et Première Loge. Vous êtes membre? Vous êtes automatiquement éligible. Comment y adhérer? Au 418-640-2575, poste 201, ou sur ckrl.qc.ca via le paiement sécurisé PayPal. Bienvenue à Terra Incognita. Ce soir, en notre première demi-heure, j'étais pour dire qu'on va avoir un spécial scandinave, mais pour être plus précis, ça va être un spécial Norvège avec trois formations norvégiennes. On va donner le coup d'envoi avec Ring Van Mobius de leur plus récent album The Third Majesty. Suivra Wobbler et des petits nouveaux, mais en fait pas vraiment des petits nouveaux, mais c'est un groupe qui est actif depuis 1999, qui a sorti un EP et un album en 2004, mais après ça, qui s'est fait discret. Donc, le groupe nous revient comme 16 ans plus tard avec un nouvel album. Le groupe a pour nom Tama Toys et l'album Conflict. Donc, sans plus tarder, écoutez, on va se faire plaisir avec Ring Van Mobius de leur plus récent et excellent album The Third Majesty. Yes. questions remain the same. The wheat tears of a sky in a distant sphere. Thank you. Listen to the voices of the naiad girls dancing by the pool where the mighty river swirls, shielded by the boughs of sweeping willow trees, enchanted and bewildered as the ancient forest sleeps, dreaming ancient forest dreams. Wandering on hidden paths beyond the meadows fair, sifting through the starlit night, I drink the moon god's tears and capsule in the here and now in feathers like a bird. A voyage through the looking glass to see what I have stirred in this world within our world. question for the ones that lost their heads. Have you ever felt remorse, man, for all the hate and all the blood that's on your hands? You who built the guns and bombs, you who sent those children out to fight for you, you who lied and gave them hope, you who hide behind big walls, far away in your own safe home. Do you ever feel remorse? Do you ever feel responsibility? Do you think they will forgive you? Quand vos parents ont besoin d'aide, vous êtes là. Quand vos enfants ont des craintes, vous êtes là. Quand vos amis vivent un moment difficile, vous êtes là. Soyez là pour vous, comme vous l'êtes pour vos proches. C'est possible que la situation actuelle vous fasse ressentir des émotions difficiles ou même de la détresse. Si vous éprouvez de la difficulté à réaliser les actions du quotidien, des solutions existent. Rendez-vous sur québec.ca/allez-mieux ou appelez Info Social 811. Un message du gouvernement du Québec. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. L'Ampli de Québec, Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Québec. Édition Continuité, Alliance Arc-en-Ciel de Québec, La Baratte. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Notre prochaine demi-heure va être consacrée à la formation italienne Il Bacio de la Medusa, qui vient tout juste de lancer un album acoustique qui est, je vous dirais, comme unplugged, mais quand même assez étoffé, qui a pour titre Anima Acoustica, un disque, ben en fait, des pièces qui ont été enregistrées lors d'un concert en octobre 2019, 11 pièces, on retrouve 11 pièces en concert, et une dernière, une pièce inédite en studio, qu'on aura d'ailleurs le plaisir d'écouter dans quelques instants. Cette formation italienne est active depuis 2002, et puis le premier album est paru en 2004, mais je pense que c'est avec leur second album que le groupe a vraiment percé. Je vais tenter de vous le prononcer à l'italienne, Dicesa Alineferi d'una Giovane Amante. Donc, c'est paru en 2008, cet album, mais je pense que c'est ça qui a permis, en fait, au groupe de déborder des frontières italiennes. On y va donc pour une bonne demi-heure de prog italien avec Il Bacio de la Medusa. Greetings to all our friends of Terra Incognita. I'm Simone Cecchini, singer of Il Bacio della Medusa. Here are two songs from our last live album Anima Acustica, Confessione d'un amante, whom I hope you have already known, and Testamento d'un poeta, a new track that is the bonus song of our last work. Have a good listening. Ci arriverà. scusa tanto se scrivo il mio addio a una vita dannata. Rincorrere l'uride, caro pane di zingari. Il dolore oggi lo rendo a Dio, questo corpo alle acque, il mio respiro al vento, queste lacrime alle piogge d'aprile. Now you listen to Melancholia, one of the songs I wrote that I loved the most. coming next, Indignazio, in Fedele in Terra Santa, a hard and sharp track, one of the most progressive of our repertoire. Enjoy it! Thank you. si è scuro ed ancora non so il perché spende l'oro, ma la sua falce d'acciaio scintilla già. Piangi madre, tanto può vendere scorpioni partorirà. Sette lune, sarà uno specchio per i giorni miei e tuoi. Lasciami essere, maledizioni verso colui che bestemmia il suo nome.

trumpets sound, ancient sounds are forever. Come ring the bells around, I've been waiting here forever. Dance on the hands of time, only you can do it right. New hope and peace of mind, new ways unravel. You can see them dancing in the green. All at once was lost, it's soon redeemed. Sounds are forever. Come roaring river rage, with mountains down to pebbles. Dance on the hands of time, only you can do it right. New land and endless skies, new scenes unravel. Dancing in the light brings all the best. I just wanna see the other side. I just wanna see the other side. Action devil do.

what you animate will leave your way. Rivers in your face. If you should stay, try to ignore searching. Thank you. vos parents ont besoin d'aide, vous êtes là. Quand vos enfants ont des craintes, vous êtes là. Quand vos amis vivent un moment difficile, vous êtes là. Soyez là pour vous, comme vous l'êtes pour vos proches. C'est possible que la situation actuelle vous fasse ressentir des émotions difficiles ou même de la détresse. Si vous éprouvez de la difficulté à réaliser les actions du quotidien, des solutions existent. Rendez-vous sur québec.ca/allez-mieux ou appelez Info Social 811. Un message du gouvernement du Québec. Choisir ÉricLamirande.ca, c'est miser sur l'expertise de Éric Lamirande ainsi que sur son équipe de collaborateurs professionnels. On vous offre des services de consultation, accompagnement et formation dans les domaines suivants: marketing web et réseaux sociaux, commerce électronique, virage numérique et outils technologiques d'affaires. Pour les travailleurs autonomes, les petites entreprises, les organismes et l'économie sociale. Notre but, vous aider à avancer et vous rendre plus autonome. Contactez-nous au 88 454 1019 ou à ericlamirande.ca. Pour notre dernière demi-heure, on commence avec une formation britannique qui a pour nom Gandalf Fist. Et le groupe va lancer le 21 janvier prochain un album qui a pour titre The Remaster and the Monkey. Et c'est en fait une nouvelle version de leur tout premier album qui est paru, lui, le 21 janvier 2011, donc 10e anniversaire. Donc, une nouvelle version avec beaucoup plus de pièces que sur l'original. Ce sera suivi de Carl Baldassare, ou Baldassare, c'est Collingwood Yards, un guitariste, un musicien américain qui fait notamment partie de CZG. Ça va peut-être dire quelque chose à quelqu'un. Des vieux tripeux des années 90. Et puis, on va aussi avoir, du côté de l'Italie, une formation qui a pour nom Kirsch. Et le titre de l'album, c'est leur troisième disque, cette formation italienne, c'est Aspera Tempora. Bien, on y va avec Gandalf Fist, qui, je le rappelle, l'album doit paraître dans un mois, ou même plus que ça, c'est le 21 janvier. Yeah. Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Carl Baldassare, guitarist and composer for the bands Baldassare and Syzygy. And you're listening to Terra Incognita Radio from Quebec, Canada. Au revoir. C'est déjà le temps de vous quitter. Je vous invite à rester des nôtres. Il y a l'autoroute qui suit dans quelques instants. Et puis, ben, écoutez, je vous invite aussi à visiter notre page Facebook. Vous allez trouver le lien pour le podcast de ce soir. Et puis, ben, abonnez-vous et vous allez recevoir plein de nouvelles à chaque jour, ou à peu près. Et moi, je vous laisse avec une formation italienne qui a pour nom I Salici. Salici ou Salici, ouais, je pense que c'est Salici. C'est leur troisième album, The Eyes of the Unconscious Riot. Bonne nuit à notre antenne. Down in deep and with my soul.